Ménard. Ce soir on sort, c'est la guerre. Paris, Seymour, Dubaï, Qatar, c'est la guerre. Chérie, bonsoir, ce soir on sort, c'est la guerre. Paris, Seymour, Dubaï, Qatar, c'est la guerre. J'ai déjà calé ça, t'inquiète pas, j'ai déjà calé ça. Bah ouais, dans la cabeza. J'ai deux trois rebés dans la cabeza. Bah ouais, dans la cabeza. J'ai deux trois rebés dans la cabeza. Bah ouais, oh et la muse. T'inquiète, ce soir on va caler ça. Dans les airs, toute l'année. J'ai déjà décollé. Business class, je vais planer. J'ai déjà décollé. Dans les airs, toute l'année. J'ai déjà décollé. Business class, ouais, je vais planer. J'ai déjà décollé. Aïe. Audemars, Alger, Marrakech. Wesh, te bois, bagarre, ça fume de la queche. Wesh, showcase, New York, Madrid, de la bus. Yes, j'suis KO, j'reviens, j'naresse en business. En business, j'naresse en business. En business, on fait du business. C'est une puta de banane, pas de Punta Cana. Puta veut m'carna, moi j'vais faire carnage. Dans les airs, toute l'année. J'ai déjà décollé. Business class, j'vais planer. J'ai déjà décollé. Dans les airs, toute l'année. J'ai déjà décollé. Business class, ouais j'vais planer. J'ai déjà décollé. Aïe. En business, on fait du business. En business, je la reste en business.